Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Troisième épisode. À Karmabougerg, non loin d'Alexandrie, Leïla vit recluse, défigurée par une attaque de petite vérole. À Londres, Mountolive a fait la connaissance du poète Percy Warden et de Liza, sa jeune sœur aveugle, dont la beauté l'a émue. À Alexandrie, Nessim a demandé en mariage une femme qu'il connaît à peine, Justine. Avec son consentement, il a promis de mettre tout en œuvre pour retrouver son enfant, enlevé quelques années plus tôt. Sur son île grecque, où il a entrepris le récit de ses années alexandrines, Darley ignore l'appel téléphonique que Nessim a donné, aussitôt après que Justine ait accepté de l'épouser. Allô, Dacapo. Vous vous souvenez de mon projet d'épouser Justine? Eh bien, c'est fait. Le comité n'aura maintenant plus rien à dire. Le lendemain, au volant de sa voiture argentée, Nessim traversa lentement la ville, considérant ses parcs, ses places et ses immeubles d'un œil serein. Quand il atteignit la mer, il accéléra et se mit à longer la route du littoral à une allure plus décidée. Il allait à Carme. Il allait à la maison. Suivant d'étroits sentiers en lacets qu'il connaissait par cœur, il parvint, au bout d'une heure, à l'extrémité d'une digue que baignait l'eau la plus bleue du monde. Il gara sa voiture, la verrouilla soigneusement, et suivit une étroite sente, atteignit un appontement où un vieux passeur l'attendait dans une barque à moitié pourrie. Très vite, il vit sur l'autre rive les chevaux et la silhouette de son frère cadet, Narus. Narus, mon Nessim! Les deux frères s'étreignirent. Le cadet, plus petit et plus trapu, portait une blouse bleue de paysan, ouverte au col, dont les manches roulées au coude découvraient des avant-bras et des mains d'une grande puissance, recouverts d'une toison de poils noirs et frisés. Il plongea tête baissée dans les bras de son frère, comme un boxeur fuyant le corps à corps. Puis, il redressa la tête, regarda Nessim de ses yeux splendides et lui sourit. Le hideux bec de lièvre qui faisait planer sur lui un destin horrible se terminait par deux petites langues de chair rose au milieu de sa lèvre supérieure, découvrant jusqu'à la gencive une dent blanche. Et Leïla? Maman va bien, tout à fait elle-même. Elle lit pendant des heures au fond de la roseraie. Maman te lève? Elle lui écrit tout le temps des lettres interminables. Et à chaque lettre de lui, elle rajeunit 10 ans. La petite table blanche, la plume d'oie et l'encrier en or, toujours. Toujours. Leïla ne paraissait plus en société. Elle était devenue une sorte de légende pour ceux qui se souvenaient d'elle et l'avaient surnommée l'hirondelle noire. Ses lettres étaient toute sa vie, et elle avait fini par être atteinte de cette curieuse déformation du sens de la réalité qui afflige souvent les écrivains. Les deux frères chevauchèrent l'un à côté de l'autre en silence. Ici, une ancienne île avec un palais en ruine, là, des sentiers tortueux et des canaux d'eau courante où les barques à fines silhouettes d'oiseaux transportaient leur chargement de blé. Ils approchaient du village. Comme la vie coule lentement ici. Ta venue est une bénédiction. Bonjour Mustapha. Comment vont tes enfants? Bien, bien. Alhamdoulilah. Quel bonheur pour le village. Tu illumines le monde. Que la paix soit sur toi. Ma salama ya Nessim. nerveux. La maison. Je ne m'habitue pas à sa beauté. Le fief des Hasnani. Viens, Yanissim. Le petit déjeuner t'attend. من فضلك يا أفندي. ناروز. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Naroz, je vais me marier. Et je voudrais que tu le dises à Leïla. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ose pas lui annoncer la nouvelle. Ah, avec Cléa, Nessim? C'est avec Cléa que tu te maries? Mais non, pourquoi? Non. Avec Justine. L'ex-femme d'Arnotti. Comme je suis heureux, Nessim. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Naroz vouait un amour désespéré à Cléa, la meilleure amie de Nessim et confidente de Justine. C'était une femme à la beauté délicate et diaphane, vivant seule dans son atelier où elle peignait à longueur de journée, totalement immergée dans son travail. Solitaire et célibataire, on ne lui connaissait pas d'aventures amoureuses. Un personnage d'Alexandrie. Cette passion pour cette femme à qui il n'avait jamais adressé la parole rongeait Naroz depuis des années. Il ne l'avait vue que deux fois dans sa vie, lorsque Nessim l'avait emmenée en week-end à Karm. Tu te maries enfin, Nessim. Tu vas être heureux. Tu auras des enfants. Pour l'instant, elle ne m'aime pas. Elle ne prétend pas m'aimer, mais... Qui sait? Si je peux lui ramener l'enfant qu'on lui a volé, tout est possible. On lui a volé un enfant qu'elle a eu avec Arnotti? Non, avant. Elle était toute jeune. Je sais que ce sera difficile. J'ai appelé le parquet hier. Il soupçonne le Makhzoub. Hypnotiseur. Et le soir de l'enlèvement, il y avait une fête en ville et le Makhzoub en était. Il a été accusé plusieurs fois d'avoir volé des enfants, mais on n'a jamais pu réunir de preuves convaincantes. Tu m'aideras, Naroz? Tout ce que tu veux, mon Essim. Je descendrai à Alexandrie pour le carnaval et j'irai le trouver. Bon. Maintenant, je dois partir, mon frère. Sans voir Leïla? Oui. Tu peux lui dire pour Justine? Bien sûr. Après mon départ? D'accord. J'y vais. Adieu, Yanaroz. Tu nous l'amènes bientôt? Je l'ai rencontrée, mais je ne m'en souviens plus très bien. Très brune! Des yeux pareils à des lucioles dans la nuit, comme dit la chanson. Naroz, il y a encore quelque chose que je voulais te demander. Les réunions. La prochaine se tiendra au Molid de San Damien, dans le désert. Les 10 familles seront là au grand complet. Tu te rends compte? Il faudra être prudent. Tout doit se faire en grand secret. Pas de fuite. Évidemment. Je veux dire que, pour l'instant, ces réunions ne doivent avoir aucun caractère politique. Tu as bien compris. Dame. Naroz se rendit au pavillon d'été pour s'acquitter de sa mission. Mais il cueillit d'abord une brassée de roses jaunes et rouges, pour garnir les deux grands vases placés de chaque côté du portrait de son père. Leïla dormait devant sa table. Le bruit qu'il fit la réveilla. Ah, c'est toi, Naroz. Que ces fleurs sont belles. Ton père les adorait. Dieu te bénisse, mon fils. Apporte-moi les vases. Voilà. moment. Nessim va se marier. Il va épouser Justine, l'ex-femme d'Arnotti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est une aventurière qui en veut à son argent, je ne la laisserai pas faire. Je ferai le nécessaire pour qu'elle renonce. De toute façon, il a besoin de mon consentement. Je ferai comme je le dis. Je le jure. Le plus étrange, c'est que je suis sincère. Et tu ne peux pas compter sur moi, hein? Tu ne peux pas me demander de veiller sur l'honneur de mon frère. Il avait le visage comme une tête de crapaud, tout enflé par le rire, bien que son expression commençât à redevenir sérieuse. « Mon Dieu !» se dit Leïla, « comme il est laid !» Et ses doigts montèrent à son voile et l'appliquèrent contre son visage, couturé de cicatrices, rageusement, comme pour les effacer. Elle avait les larmes aux yeux. Elle glissa ses doigts dans les cheveux de son fils. « Mon bon Naros, mon rayon de miel, ma colombe !» Dis-lui que je suis d'accord et que je l'embrasse. Mais dis-lui aussi qu'il doit nous l'amener ici. Ce sera fait aujourd'hui même. Il partit de sa curieuse démarche, traînante et mal assurée. Sa mère s'assit devant sa table couverte de poussière. Pourquoi Don Nessim a-t-il choisi une juive ? Si Darley avait eu connaissance de la véritable version de la demande en mariage de Nessim à Justine, son destin, comme celui des autres personnages de cette histoire, en aurait été complètement changé. Voilà comment les choses s'étaient passées. À la demande de Nessim, Justine avait répondu. Est-ce parce que vous voulez coucher avec moi? Oui, vous le pouvez. Je ferai n'importe quoi pour vous, Nessim. N'importe quoi. Nessim s'était irrité de cette phrase. Une sorte de nausée l'avait pris. Puis, en un éclair, il avait compris qu'il fallait dire la vérité à Justine. Écoutez, je voudrais maintenant vous faire une confidence qui, si vous la trahissez, pourrait me causer un tort irréparable ainsi qu'à ma famille, et surtout à la cause que je sers. Je vais me mettre entièrement en votre pouvoir. Supposons que nous soyons tous deux morts à tout sentiment d'amour. Accepteriez-vous de prendre part à une dangereuse entreprise ? Nessim avait alors révélé à Justine la naissance d'un complot destiné à mettre fin à la suprématie musulmane en Égypte et à restaurer la puissance d'antan des Coptes. Pour cela, sa communauté devait s'appuyer sur une force politique forte. Les Français et les Anglais ayant perdu la partie au Moyen-Orient, les Juifs de Palestine restaient les seuls alliés possibles. Mais le comité d'organisation juif palestinien se méfiait du banquier copte. Le mariage de Nessim avec Justine était un gage destiné à rassurer. Lorsque Nessim, encore frémissant, s'était tu, lentement ses mains avaient rejoint celles de Justine. Ils étaient restés là, les yeux dans les yeux. Pour Justine, l'image de Nessim s'était brusquement métamorphosée. Illuminé par une grandeur nouvelle. C'était un aventurier, un corsaire jouant avec la vie et la mort. Sa puissance aussi, la puissance de son argent, formait la toile de fond tragique de toute l'aventure. Maintenant, ma vie est entre vos mains. Nessim, je n'aurais jamais cru que j'accepterais. Comment savez-vous que je n'existe que pour ceux qui ont besoin de moi ? Rentré chez lui, Nessim avait appelé un mystérieux interlocuteur. D'Acapo, vous vous souvenez de mon projet d'épouser Justine? Eh bien, c'est fait. Le comité n'aura maintenant plus rien à dire. Nous avons une nouvelle alliée. Je veux que vous soyez le premier à le leur annoncer. Je pense que maintenant, ils ne feront plus de réserve sur le fait que je ne suis pas juif, puisque j'épouse une juive. Qu'en pensez-vous? D'Acapo s'était alors répandu en félicitations ironiques, goguenardes et grossières. Reprenant sa superbe, Nessim avait vivement réagi. C'est une impertinence d'imaginer que mes sentiments n'entrent pas en ligne de compte. J'ai toujours été un homme d'honneur. Je l'aime. Le soir même, Justine débarquait à l'improviste dans la grande maison de Nessim. Il n'était pas encore couché. Vous êtes venu sans prévenir. C'est merveilleux. Enfin, je sais maintenant qui vous êtes, Nessim Osnani. Je suis venu prendre vos instructions. Nessim était transfiguré. Il avait ouvert son coffre et en avait sorti des piles de dossiers et de correspondances. Comme pour prouver son honnêteté à Justine. Puis, il lui avait révélé ce que ni sa mère ni son frère ne savaient. Le rôle important qu'il jouait dans le complot de la Palestine. Il s'était accroupi près du feu et avait parlé jusqu'à l'aube. Mes premières préoccupations concernent les doutes et les hésitations du comité. Je veux que vous leur parliez. Ils s'étonnent de voir un copte les soutenir alors que les juifs d'ici se tiennent à l'écart. Bien entendu, les Anglais et les Français doivent tout ignorer. Je crois qu'ils ne soupçonnent rien encore. Mais il y a deux personnes parmi eux qui nous inquiètent particulièrement et que je vous demande de neutraliser. L'un était Ludwig Perswarden, le poète et diplomate anglais fraîchement nommé à Alexandrie, que Nessim connaissait pour l'avoir rencontré à Londres en compagnie de Montolieu. Une amitié naissante les liait déjà. L'autre était un jeune professeur irlandais. Il venait d'entamer une liaison avec une danseuse de cabaret, Mélissa, une grecque, ancienne maîtresse d'un fourreur juif du nom de Cohen. Ce dernier était un agent du comité de Palestine. Il était chargé de l'acheminement d'armes aux résistants juifs. Justine devait tenter de savoir si Cohen avait tenu Mélissa au courant de ses activités clandestines. Ainsi, le deuxième homme que Justine avait pour mission de neutraliser, ce jeune professeur irlandais, n'était autre que Dorley, le narrateur de cette histoire. Je vous remercie, Nessim. Je vois maintenant ce que j'ai à faire. Ils avaient rangé les dossiers et, dans la grisaille du début du jour, ils s'étaient dévêtus pour faire l'amour, avec le détachement passionné de deux succubes. Alors, enfin, il n'y avait plus eu aucune restriction ni inhibition dans l'esprit de Justine. Et Nessim, sombrant dans ses bras avec une féminité étrangement douce, presque virginale, s'était senti ébranlé et écrasé comme une poupée de chiffon. Puis il l'avait reconduite chez elle, dans la clarté tremblante du petit matin. Il avait écouté l'ascenseur gravir lentement, péniblement les trois étages. Justine n'était plus là, mais son parfum subsistait. Un parfum appelé « Jamais de la vie ». Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. Troisième épisode, avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leila, Didier Sandre, Nessim, Valérie Lang, Justine, Mohamed Rouabi, Narouz. Et les voix de Fatia Faouzi, Rabah Loussif, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Claire Levasseur, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.